toujours la même occasion, le président de l'Association d'amitié Thaïlande-Corée et le chef du département de l'enseignement social du Comité angolais pour l'amitié et la solidarité avec les peuples ont publié respectivement un entretien.